Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la rumeur d'Orléans. En mai 1969, dans cette ville française, un bruit court. En quelques semaines, ce petit bruit devient folle rumeur. Des commerçants du centre-ville organiseraient la traite des blanches. C'est un vaste réseau de prostitution qui serait à l'origine de la disparition de dizaines de jeunes femmes envoyées dans des maisons closes à l'autre bout du monde. Or, tous les commerçants visés sont juifs et toute cette histoire est fausse. Et c'est ainsi que ce qu'on appellerait aujourd'hui un fake news, circulant en l'occurrence dans les lycées de jeunes filles, est devenu campagne antisémite. Cette rumeur, qui a pris racine dans les fantasmes et les angoisses de l'époque, s'est ensuite fixée sur la figure du juif comme bouc émissaire, un principe qu'on ne connaît que trop. Notre invité aujourd'hui, Mehdi Moussaïd, chercheur en sciences cognitives au Max Planck de Berlin, spécialiste des phénomènes collectifs et auteur de l'ouvrage intitulé « Fouloscopie, ce que la foule dit de nous ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Orléans, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville très équilibrée. C'est une ville qui se permet d'avoir 26 ou 27 clochers, mais en même temps 22 boîtes de nuit. C'est, je crois, la démonstration d'un parfait équilibre humain, social, géographique et climatique. Il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de typhon. Il ne se passe rien à Orléans. Il ne se passe rien, on vit heureux, on est bien. Comme le dit le journaliste Michel Bader, il ne se passe rien à Orléans. On est heureux, on vit bien. C'est une façon de voir les choses. Mais en ce mois de mai 69, un bruit qui court va venir agiter la somnolence de la ville. Ce n'est pas encore une rumeur, juste une histoire qui fait le tour des lycées. On se la partage, cette histoire, par petits groupes, sur le ton de la confidence. On joue à se faire peur. On parle de piqûres, de drogues, de souterrains. On évoque des régions lointaines, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient. Et au bout de quelques minutes, on lâche trois mots. Les trois qui sont sur toutes les lèvres des lycéennes, traite des blanches. Et on se le dit dans le creux d'oreille. Il y aurait des enlèvements de jeunes filles dans les magasins de vêtements du centre-ville d'Orléans. Oui, envoyées à l'étranger, ces filles seraient ensuite revendues à des proxénètes et forcées de vendre leur corps dans des maisons closes de pays exotiques. Voilà la version qui circule dans les cours de récréation. Sexe, drogue, voyage et criminalité, tous les ingrédients d'un roman policier sont réunis dans cette histoire vraie. Oui, vraie. La preuve, c'est arrivé à la femme d'un ami de la belle-sœur de ma copine, dit une orléanaise, genre l'homme qui a vu l'ours, mais on y croit dur comme fer, comme cette lycéenne qui témoigne devant les caméras de l'émission Affaires classées. Une camarade de classe m'a averti en me disant, tu sais, voilà ce qui se passe à Orléans, des magasins sont incriminés dans la traite des blanches, et je t'avertis, et à ce moment-là, plusieurs camarades sont approchés, elle nous a avertis, elle nous a dit, surtout, je vous dis ça, uniquement pour que vous n'y alliez pas toute seule, il faut absolument que vous y alliez avec des parents ou accompagnés. Trois mille oreilles de lycéennes innocentes écoutent avec une pointe d'excitation ce récit et le diffusent encore et encore. Immanquablement, l'histoire va sortir du lycée pour s'infiltrer dans les autres strates de la société orléanaise. On commence à en parler entre femmes, dans les usines, les entreprises, les magasins et les cuisines familiales. Indignation, amusement ou fascination ? Le bruit qui court ne laisse personne indifférent, et c'est ainsi qu'il devient rumeur. Si cette histoire de traite des blanches organisée par des commerces de vêtements était déjà apparue en France, elle va prendre un tour particulier à Orléans. Car très vite, on va cibler certains magasins, et seulement eux. Leur point commun, tous sont tenus par des juifs. La situation vire alors à la campagne antisémite. Les commerçants sont pris à partie et même menacés. La presse locale et nationale a beau publier des articles pour démentir la rumeur, rien n'y fait. De nombreux habitants continuent à y croire. Début juillet 69, une équipe de sociologues dirigée par Edgar Morin se rend sur place pour étudier ce phénomène. Cette étude sociologique est financée par le Fonds social unifié juif, une association de la communauté israélite. Le but des sociologues est clairement défini. Remonter aux origines de la rumeur et examiner ses mécanismes de diffusion. Après une pré-enquête réalisée à Paris, 6 chercheurs se rendent à Orléans pour une enquête de terrain, cette fois, et de 3 jours. Ils rédigeront et publieront ensuite un ouvrage intitulé tout simplement « La rumeur d'Orléans ». Et c'est grâce à ce livre que nous allons ensemble décoder toute cette histoire. Oh, moi je crois que c'est plutôt une fumisterie, hein, ça. Oui. Oh oui. Il y a des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En principe, ça, c'est une chose qui se dit. C'est relativement vrai. Mais ça devait être un petit feu. Un petit feu qui va provoquer un véritable incendie dans Orléans et ses alentours. Un phénomène qu'avait très bien analysé Beaumarchais dès 1775, faisant dire à son personnage Basile dans Le Barbier de Séville. D'abord, un bruit léger rasant le sol comme l'hirondelle avant l'orage, murmure et file et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille et vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et de bouche en bouche, il va au diable. Puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez Calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. En résumé, et dans une version plus connue, Calomnie, Calomnie, il en restera toujours quelque chose. De tout temps, la rumeur et la calomnie ont existé. C'est comme un virus contagieux qui se transmet par la parole. Mais c'est aussi un phénomène qui dévoile les peurs et les angoisses d'une société à un moment donné. En ce mois de mai 69, c'est donc Orléans qui en est le cadre. Et ici, comme dans d'autres villes en France, le vent de mai 68 a soufflé sur cette agglomération de 150 000 habitants située à une centaine de kilomètres de Paris. On parle souvent d'Orléans comme d'une ville test, comme d'un échantillon de la société française. Car on y trouve une proportion d'ouvriers, de paysans, d'employés et de fonctionnaires qui est à peu près celle du reste de la France. On dit ainsi qu'Orléans réagit comme la société française. D'ailleurs, lors des élections, lorsque la préfecture du Loiret donne ses résultats, on peut être quasiment certain de ceux du reste de la France. En tout cas, à l'époque où se situe cette histoire. Et puis, en cette année 1969, il y a une élection présidentielle, organisée après la démission du général de Gaulle, en avril. Il se trouve aussi que la rumeur d'Orléans s'est développée pendant cette période d'incertitude entre le 27 avril, jour du référendum perdu par le général, et le 1er juin, date du premier tour de la présidentielle. Selon Edgar Morin, même si ces événements politiques sont complètement indépendants de la rumeur, le climat d'inquiétude qui règne chez les adultes aurait pu favoriser le développement du phénomène. Toujours est-il que c'est dans le monde des adolescentes qu'Edgar Morin pense en trouver l'origine. Au début, l'antisémitisme est complètement absent. C'est seulement l'enlèvement dans les cabines d'essayage et la traite des blanches qui est évoquée par les lycéennes. Pour l'émission à faire classer, le sociologue explique pourquoi la cabine d'essayage est une machine à fantasmes. Il faut se rendre compte que le salon d'essayage, surtout dans une, pour des jeunes filles qui, dans le fond, vont avoir leur premier vêtement de femme, et surtout dans les villes qui commencent à se moderniser depuis ces dernières années, c'est un endroit un peu fabuleux. C'est un endroit où on se met nu, on se dévêt, on se regarde dans une glace, on est enfermé comme dans un WC, mais pas vraiment, il n'y a qu'un rideau qui sépare. Il y a beaucoup de fantasmes érotiques, n'est-ce pas, qui peuvent naître du salon d'essayage. Donc ça fait quelque chose d'assez troublant, ce qui, à mon avis, explique que cette rumeur de traite des blanches avec salon d'essayage et piqûre courait depuis des années, disons depuis des années, depuis 7 ou 8 ans au moins, dans plusieurs villes, dans Paris. Pour ces adolescentes qui découvrent la sexualité, ce mythe de la traite des blanches est fascinant. Edgar Morin écrit « Le frisson qu'il fait courir mêle en lui le plaisir et l'angoisse. Il ouvre les portes fatales de la prostitution et de la drogue, tout en ouvrant secrètement les portes bienheureuses du voyage, de l'aventure, de l'extase. » Le sociologue développe aussi une analyse sur le thème de la drogue et de la piqûre. La rumeur parle notamment d'un commerçant de chaussures qui dissimulerait des seringues dans le talon des escarpins pour endormir certaines clientes. Outre la connotation sexuelle de la piqûre, considération pas forcément très visible pour le commun des mortels, mais bon, pourquoi pas, Edgar Morin souligne le parallèle entre la drogue et l'invitation au voyage. Lors de son enquête de terrain, l'équipe de sociologues découvre un désir quasi obsessionnel de voyage chez les jeunes orléanaises. Beaucoup d'entre elles, avouent d'ailleurs, s'ennuyer dans cette ville. Mais l'ennui et les fantasmes d'adolescentes ne pourraient à eux seuls expliquer l'émergence de cette rumeur qui, rappelons-le, avait déjà fait surface avant 69 dans d'autres villes de France. Un autre élément troublant peut apporter un éclairage sur l'émergence du phénomène à Orléans. Le 6 mai 1969, le magazine People Noir et Blanc publie un extrait traduit du livre « L'esclavage sexuel » du journaliste anglais Stephen Barclay. Un industriel conduisit en voiture sa jeune femme dans une élégante boutique de confection de la ville de Grenoble. Il attendit une demi-heure, trois quarts d'heure, puis s'impatienta. Il alla s'enquérir de sa femme. « Nous ne l'avons jamais vue ici, lui répondit-on. » Comme notre industriel était absolument certain d'avoir vu sa femme pénétrer dans ce magasin, il fut pris de soupçons mais n'en laissa rien voir. Il présenta des excuses, remonta en voiture et se rendit au commissariat de police le plus proche. Il devait retrouver dans l'arrière-boutique la jeune femme plongée dans un profond sommeil. Sur son bras droit, les policiers découvrirent la trace d'une piqûre. Elle avait été droguée. Ce texte est publié sans indication de la source et agrémenté de la mention « tout récemment », l'exact contraire de la démarche d'un journaliste. Outre donc l'aspect douteux de cette information, le fait de la présenter comme une actualité est évidemment trompeur. Et selon la police, c'est cet article qui aurait constitué la base du récit de la rumeur d'Orléans. Autrement dit, les fantasmes des lycéennes ne seraient pas nés ex nihilo, mais plutôt alimentés par leurs différentes lectures. Bon, admettons. Mais le magazine Noir et Blanc paraît dans toute la France, alors pourquoi la rumeur se serait-elle développée seulement à Orléans, ce mois de mai 69 ? Eh bien, Edgar Morin avance un autre argument. Le 10 mai, un magasin du centre-ville ouvre un rayon de vêtements pour jeunes femmes. Il est baptisé « Aux oubliettes ». Le commerçant a voulu créer une ambiance mystérieuse en plaçant ses cabines d'essayage dans une cave pour évoquer les oubliettes médiévales. Idée dont la subtilité ne saute pas aux yeux, mais qui constitue de surcroît un nouvel élément, un cadeau même pour nourrir l'imaginaire des jeunes filles, qui va vite trancher avec l'inquiétude de leur mère et professeur, comme l'explique l'adjoint au maire d'Orléans, Henri Benozio, qui est aussi gérant d'une boutique de vêtements. Orléans était une ville de province qui se développait après 68, où effectivement, à la fois, non seulement la mode, la mini-jupe, l'état d'esprit de l'époque changeait, mais aussi où les jeunes et les jeunes filles en particulier commençaient à avoir de l'argent de poche pour pouvoir acheter ce qu'elles avaient envie, s'habillaient différemment, et effectivement, ça devait être quelque chose qui était difficile à admettre pour un certain nombre de parents ou dans des écoles. Voilà comment la rumeur va cheminer. Alors qu'elle naît dans le monde lycéen, elle remonte aux oreilles des femmes adultes. Or, au lieu de démentir, celles-ci vont utiliser le récit de la traite des blanches. Et il est difficile de savoir si ces femmes croyaient elles-mêmes à cette histoire ou si elles ont trouvé là le prétexte idéal pour encadrer plus strictement la conduite des adolescentes. En effet, en 1969, de nombreuses Françaises plutôt conservatrices voient d'un mauvais œil la vague yéyée qui a déferlé pendant les années 60, les débuts de la révolution sexuelle, l'apparition de la mini-jupe et toutes les ouvertures de boutiques consacrées à la nouvelle mode féminine. Et puis la peur de la drogue et de la prostitution permet de diffuser un discours réactionnaire. Le succès de cette rumeur n'est donc pas étranger aux évolutions de la société française post-68, notamment sur la place de la femme, comme l'explique l'historien Jean Garrigue dans un reportage de France 3. Mais une société malgré tout qui est déboussolée, société qui sort d'une crise qui remet en cause les fondements de la société, avec notamment la place de la femme au cœur de cette nouvelle société à bâtir, et incontestablement que le fantasme s'accroche comme ça sur la traite des blanches, sur ces femmes qu'on envoie je ne sais où, eh bien ça dit quelque chose d'une société qui est en train de se reformer, de se reformuler. Tous ces éléments expliquent pourquoi, dans un premier temps, la rumeur va rester cantonnée dans la sphère féminine. On se la transmet en famille ou entre collègues, comme c'est le cas pour Madame Cosson, une Orléanaise qui a eu vent de tout cela par une jeune fille qui travaille à ses côtés. En lui montrant avec enthousiasme la nouvelle robe qu'elle vient juste d'acheter, elle lui glisse « Vous savez, je ne suis pas prête d'aller en racheter d'autres. » « Ah bon, mais pourquoi donc ?»« Mais enfin, Madame Cosson, vous ne connaissez pas l'histoire de la traite des blanches ?» lui répond la jeune fille, ne manquant pas de lui établir la liste des magasins incriminés, bien sûr. Et c'est Madame Cosson elle-même qui raconte la suite devant les caméras de la télé. Et puis elle me dit, il y a d'autres magasins, chez Sheila, chez Félix, le marchand de chaussures. On a trouvé des femmes endormies. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'Orphée, moi je connais très bien les personnes qui tiennent d'Orphée. Monsieur Litch et Madame Litch sont de mes amis. Et ces histoires-là ne tiennent pas debout parce qu'ils sont incapables de faire une malhonnêteté. Elle me dit, ben pourtant, vous savez, ça se passe dans beaucoup de magasins. Je dis, est-ce que vous connaissez les noms de ces personnes-là? Elle me dit, non, je ne connais pas leurs noms, mais ce que je sais, ce sont des magasins juifs. J'ai dit, magasins juifs, alors maintenant, je suis au courant de l'affaire. Je voulais vous le faire dire, parce que les noms de magasins que vous m'avez cités, je savais qu'ils étaient tenus par des Israélites. Et toute cette histoire, c'est une cabale antisémite. Antisémite, le mot est lancé. Et pour cause, 6 magasins sont ciblés par la rumeur. 5 d'entre eux vendent des vêtements pour femmes. Il y a d'Orphée, la boutique de Sheila, Alexandrine, le Petit Bénéfice et Dédé. Le 6e magasin est un magasin de chaussures, Félix. Tous les commerçants qui tiennent ces boutiques sont juifs, sauf Alexandrine, reprise par de nouveaux gérants. Dans l'émission Radioscopie sur France Inter, Edgar Morin explique comment on est ainsi passé de l'histoire d'adolescente au délire antisémite. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'est un rêve de jeune fille, à la fois délicieux et inquiétant, qui prend une réalité mais qui n'a aucune intention nocive. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré tout, ce rêve entretient une certaine crainte, une certaine... Et alors, c'est très curieux, c'est qu'on cherche le responsable, c'est-à-dire comme la foudre trouve le bon paratonnerre, et bien on trouve le juif, c'est-à-dire... celui qui assume le rôle du coupable, du profanateur, depuis 2000 ans de civilisation chrétienne. Et surtout, ce rôle qui, au Moyen-Âge, disons, s'est trouvé multiplié avec les thèmes de profanation d'hosties, de sacrifice d'enfants, etc. Edgar Morin remarque également que les autres commerçants juifs de la ville sont épargnés. Et il note... la rumeur ne s'en prend ni aux vieux juifs immigrés qui ont gardé un accent étranger, ni aux récents venus d'Afrique du Nord, non. Elle se fixe uniquement sur des commerçants qui n'ont rien d'exotique, qui ressemblent à tout le monde, mais qui, en cela même, dissimulent cette différence mystérieuse que tout le monde peut nommer « ils sont juifs ». À cela s'ajoute la suspicion sur ces boutiques qui ont prospéré en quelques années tout en vendant des robes bon marché. Le mythe de la traite des blanches trouve ici un point d'explication. Les commerçants juifs s'enrichissent grâce à la revente des femmes. Alors que quelques commerçants israélites sont visés, le reste de leur corps religionnaire d'Orléans est donc mis à l'écart. On ne les informe pas de cette rumeur. La jeune enseignante Eliane Klein, par exemple, membre de la famille de l'un de ses commerçants, raconte le jour où elle a parlé de cette rumeur avec ses collègues professeurs. Moi, le lundi, j'ai voulu les mettre au courant et je me suis aperçue qu'elles étaient au courant depuis 8 jours et qu'elles ne m'en avaient pas parlé. Elles parlaient derrière mon dos et ne voulant pas m'en parler parce que Il s'agissait de membres de ma famille, et puis je suis juive. Et alors, quand j'ai mis au courant une professeure, elle m'a dit « Ah, en effet, je le savais, on en parlait, mais je ne savais pas, elle m'a dit, je ne savais pas que c'était vraiment antisémite, cette histoire. » Et puis, je l'ai revue une heure après, elle m'a dit « Mais après tout, pourquoi vous croirais-je ? Peut-être que la police est achetée. » La rumeur ne s'embarrasse pas d'incohérence, elle les balaye d'un revers de la main. On parle de disparition de jeune fille, mais la police n'intervient pas. Évidemment, ma bonne dame, la police a été achetée par les commerçants juifs, pensez donc. Premier visé, dernier averti. Henri Litsch, gérant de la boutique d'Orphée, cible de la rumeur, tombe évidemment des nues quand il apprend ce qu'on dit sur son compte. Enfin, le 23 mai. Un ami vient me voir en me disant « Ma fille a appris au lycée qu'il se passe de drôles de choses chez toi. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ? Tu enlèves des femmes, tu les drogues et tu les expédies vers certains pays, d'Amérique du Sud et d'Arabie. » Sur le moment, cette affaire m'a paru absolument ahurissante. J'en ai rigolé. C'était la veille de la Pentecôte, je suis parti pendant 2 jours. Le 25, coup de théâtre. Je reviens au magasin, l'histoire avait gonflé démesurément. Nous nous trouvions devant une véritable cabale. Ce n'était plus une femme, c'en était 3, plus 7, plus 15, plus 38. En effet, avec le week-end de la Pentecôte, la rumeur contamine toutes les couches de la société orléanaise. Ce ne sont plus seulement les femmes qui en parlent, non. Le thème de la traite des blanches fait son entrée dans les discussions de bistrot où l'on accueille cette information avec un peu d'incrédulité, voire d'amusement, parce que tout de même, l'aspect grivois de l'histoire fait sourire. Le lundi 26 mai, la police, la préfecture, la mairie et les partis politiques sont tous conscients que le bruit qui circule est totalement faux et véritablement dangereux. Mais comment combattre quelque chose qui ne repose sur rien et se nourrit de tout ? Tel un cancer qui se métastase, la rumeur va prendre de l'ampleur jour après jour. Je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses et mal élevées. Ou grosse décoiffée de toute espèce qui me font tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes. Je fais des comptes et des opérations, des multiplications, des rectifications, et puis des livraisons de toute espèce qui me font tourner en bourrique. Si j'aurais pu, j'aurais aimé. Vive à la campagne. Des poissons, des clochettes, des brochettes, des pâquerettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fournils, du crottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des vigères, des babouches, des cartouches, des autruches, des baudruches, des conciles, des bacilles, des textiles, des nautiles, des orages, des bocages, des mirages, des nuages, des conscrits, des proscrits, des inscrits, des écrits, des carnets, des cornets, des sifflets, des soufflets, des canons, des crapauds, des capots, des capots, des tricards, des brocards, des canards, du brocard, des courants, des parents, des savants, des arpents, des melons, des teutons, des salons, des boulons, des barclés, des balais, des raclés, des navettes, du tambour, des tutours, des contours et des tours, des soupirs, des fissures, des désirs, des sourires, des frelons, des bourdons, des étrons, des croutons, des pervers, des léthers, des lasers et des misères, des tacos, des marmots, des tuyaux, des pompons, des fichons, des torchons, des crayons et du savon, des savates, des tomates, des mille pattes, des cravates. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Il paraît qu'on en a beaucoup parlé dans la ville où on a vu ça. Oh oui, ça a été quand même un bruit. Mais on racontait quoi exactement ? Ah ben qu'il y avait une femme qui avait été dans une cave et puis qu'elle était séquestrée. Mais il paraît que tout le monde en a parlé. Oh oui, ça a couru pas mal. Bien sûr que ça courait. Ça a été la vaste rigolade. On en a blagué. On en a blagué. Si vous voulez nous faire partir sur ce sujet-là, hein, pas question. Un scandale. Une calomnie. Quelle a été votre réaction personnelle? Ma réaction, du dégoût. Ça m'a fait penser exactement à ce que les Allemands ont pu faire pendant la guerre. Quand une chose va pas, ce sont les Juifs. Demain, ce sera les Arabes. Après, ce seront les Portugais, vous comprenez? Il faut qu'il y ait une brebis galeuse. À Orléans, tout le monde a son avis sur la rumeur. Elle intéresse plus que le premier tour de la présidentielle qui doit se dérouler quelques jours plus tard, c'est dire. Il y a d'un côté les convaincus qui répètent et amplifient le bruit à longueur de journée. Ce sont les soldats de l'ignorance et de l'inculture, mères de tous les vices. On les trouve partout, à l'atelier, au bureau, au bistrot. Et puis au contraire, il y a les indignés qui trouvent cette rumeur ignoble, qui ont honte que leur ville soit le théâtre d'un tel déferlement de bêtises. À la fin du mois de mai, la rumeur évoque des tunnels souterrains qui relient les différents magasins incriminés. Ce réseau en sous-sol aboutirait à la Loire. Bien que peu probable, un Orléanais peut croire à cette histoire étant donné que la ville est truffée de tunnels et de cavités et dès lors que le cerveau de celui qui reçoit l'info est truffé lui aussi d'autant de cavités et de trous. Et quand un homme ajoute, et ensuite, chaque soir, un sous-marin caché dans la Loire vient récupérer les filles pour les emmener en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, là, tout de même, ça fait sourire. Mais ce qui n'était qu'une mauvaise blague le matin devient une folle vérité le soir, parce que dans la journée, une cascade de détails est venue amplifier le phénomène. Ainsi, rien ne peut arrêter la rumeur qui trouve une justification à tout. La police, la presse, la préfecture, tout le monde a été acheté par les commerçants juifs pour qui la situation devient de plus en plus préoccupante. Le mari d'une employée de la boutique Alexandrine vient la chercher en hurlant « Tu ne resteras pas une minute de plus ici !» En Richt, le gérant de la boutique d'Orphée reçoit des appels anonymes qui lui réclament de la chair fraîche. Dans l'après-midi du vendredi 30 mai, il se rend au commissariat pour exiger une enquête. Et on lui dit d'attendre le lundi suivant, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Le lendemain en question à Orléans, c'est jour de marché. Le lieu idéal pour discuter, échanger et surtout se monter la tête. Ce jour-là, la ville devient le théâtre d'une hystérie collective où les boutiques des commerçants juifs visés par la rumeur sont encerclées par des habitants qui s'exclament « Oh, n'allez pas acheter chez les juifs !» oubliant qu'il déterre ainsi symboliquement les principes de la nuit de cristal, un fait historique et dramatique que pour la plupart ils ne connaissent pas, ce qui ne les absout en rien, soit dit au passage. Henri Licht, le gérant de la boutique d'Orphée, raconte cette horrible journée du 30 mai. Mais est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde? Ah oui, énormément de monde. Énormément de monde, plusieurs centaines certainement, et les gens ne demandaient que la provocation, certaines personnes. Et vous n'avez pas bougé? Non, non, nous ne sommes pas bougés. Et si vous aviez bougé, que serait-il passé? Je ne sais pas, mais je crois que ça aurait pu devenir très grave. Est-ce que vous avez reçu des menaces directes? Non, mais enfin, certains jeunes, en passant devant le magasin, ont dit « Donnez-nous une mitraillette, on va rentrer dans ce magasin, buter tout le monde. » Heureusement, les commerçants contactent la presse régionale et nationale. Et dès le 2 juin, des articles sont publiés dans La Nouvelle République et La République du Centre pour dénoncer, je cite le titre, « cette odieuse cabale antisémite ». Les jours suivants, des communiqués dénonçant ces méfaits sont publiés par différentes organisations, Comité de parents d'élèves, Union des commerçants, Amicale des anciens déportés, ainsi que le Parti communiste local. Le 4 juin, la Fédération départementale de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme se réunit et décide de porter plainte au parquet contre X pour diffamation à caractère raciste. Pour certains Orléanais, c'est la consternation. Ils se demandent comment une telle rumeur a pu intoxiquer une si grande partie de la population. Sur ce point, un professeur d'histoire livre son sentiment devant les caméras d'émission Affaires classées. C'était incroyable cette histoire. Ça nous repoussait au Moyen-Âge. Comme je suis moi-même professeur d'histoire, et je sais que vers l'an 1000, il y a eu ici un pogrom de juifs qui a commencé de la même façon. On a accusé les juifs de faire du trafic de gens. Ça s'est terminé par un massacre. Alors, je ne suis pas particulièrement fier pour ma ville que des bruits aussi grotesques et trouver une audience. Très vite, une hypothèse circule dans les milieux antiracistes. Cette campagne a été orchestrée par des groupuscules d'extrême droite. Pourtant, tout comme pour les disparitions, il n'y a aucune preuve, aucun tract, aucune revendication, aucune piste. Et près d'un mois après le début de la rumeur, toujours aucune disparition de femme n'a été signalée à Orléans. Michel Bader, journaliste local, raconte ce que lui a dit la police lorsqu'il est venu l'interroger. J'ai été voir la police. Le commissaire principal que j'ai vu m'a dit, pendant la période dont on parle, il n'y a même pas eu une fugue. Parce que s'il y avait une fugue quelconque, on aurait pu l'accréditer sur cette affaire-là. Non, pas question, il n'y a même pas eu une femme qui a disparu à Orléans à cette époque-là. La police a dit, c'est terminé, c'est pas vrai, c'est entièrement faux, n'en parlons plus, c'est terminé. Mais vous n'arrivez pas à arrêter un bruit. Ce bruit-là, dans un an, on en parle encore. Et il a raison. Malgré les différents communiqués, les démentis des pouvoirs publics et même les articles de la presse nationale qui commencent à s'intéresser à cette histoire, la rumeur reste vivace. Pascal Froissart, chercheur en sciences de l'information et de la communication, explique aux journalistes de France 3 comment un démenti peut paradoxalement renforcer une rumeur. Démentir, c'est le meilleur moyen d'augmenter la notoriété des rumeurs. C'est-à-dire, on diffuse l'information auprès de gens qui, la plupart du temps, n'étaient pas au courant et qui, du coup, quand ils reçoivent cette information, non, ceci n'est pas vrai, vont se mettre à douter, ou en tout cas vont se mettre à se poser des questions. Principe que nous, journalistes, aimons résumer par cette formule qui se veut subtile, une rumeur plus un démenti égale une info. Ainsi, début juin, personne à Orléans ne peut plus ignorer cette rumeur qui a suscité des articles dans Le Monde, L'Aurore, Le Figaro. Différentes attitudes vont être prises par les habitants de la ville. Certains, honteux d'y avoir cru et d'être traités d'antisémites, vont se terrer dans le silence. Quant aux militants antiracistes, ils vont désigner l'extrême droite et parfois même le pouvoir gaulliste comme responsable. Dans un grand micmac complotiste, on accusera également une firme allemande de vêtements d'être à l'origine du phénomène, mais aussi les communistes, des étudiants palestiniens et enfin les commerçants juifs eux-mêmes, tous pour se faire de la publicité. Et puis, s'il est si difficile de combattre la rumeur, c'est que souvent, il trotte dans la tête des gens cet adage « il n'y a pas de fumée sans feu ». Les deux mois d'été de vacances scolaires qui suivront dissiperont progressivement le bruit de la rumeur. Les 6 boutiques visées retrouvent alors leur clientèle habituelle, mais pour tous, cette calomnie restera une blessure. En 1979, 10 ans après les faits, les époux Litch accueillent une équipe de journalistes de France Inter qui réalise un documentaire sur l'antisémitisme en France. Le commerçant leur fait visiter sa boutique en détail, comme pour laver son honneur. Nous sommes dans le salon d'essayage, vous voyez, la femme rentre avec ses vêtements, les essaye et choisit librement, elle est libre d'acheter ou ne pas acheter. Et quand elle ressort, on lui dit au revoir madame, même si elle n'a pas acheté. Puis je vois là Henri qui montre son salon. Ça me fait un petit peu mal hein, qu'il ait besoin de montrer vraiment qu'il n'y avait pas de trappe, qu'il n'y avait pas tout ça. Pourquoi a-t-on besoin de se justifier? On n'est pas coupable de toute façon. Je l'admettrais mal. Je pense que les Juifs ont toujours à faire mieux que les autres, se surpasser. Il faut qu'ils réussissent, tout en sachant que même s'ils réussissent, on va l'envier, on va le jalouser, on va le soupçonner d'un tas de trafics malhonnêtes. Le scénario de la cabine d'essayage avec réseau de prostitution est réapparu dans de nombreuses villes en France après 1969, mais aussi à Rome, Montréal et même en Corée du Sud en 1992. Dans ce dernier cas, le bouc émissaire n'était pas le juif, mais le japonais. Comme quoi, cette déviance qu'est l'entretien de la rumeur est bien de ce monde, de notre monde, elle habite partout. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la rumeur d'Orléans. Notre invité, Mehdi Moussaïd. Bonjour. Oui, bonjour Fabrice. Vous êtes chercheur en sciences cognitives au Max Planck Institut de Berlin et auteur de l'ouvrage intitulé Fouloscopie, ce que dit la foule de nous. Je précise que vous êtes en direct et en duplex de Berlin, chez notre envoyé spécial permanent Ludovic Piétenu, que nous saluons au passage. Alors, pouvez-vous nous expliquer d'abord votre domaine de recherche, puisque votre ouvrage s'appelle Fouloscopie, vous êtes en quelque sorte un foulologue? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Mon sujet de recherche précisément, c'est la foule, d'une manière générale. Le comportement de la foule, le jugement de la foule, les émotions de la foule. Et j'étudie par exemple le déplacement des piétons dans les rues, les grands rassemblements et les bousculades comme il peut y avoir à la Mecque. Mais la foule, c'est aussi des gens qui se rassemblent sur les réseaux sociaux, des internautes. Et on va en particulier s'intéresser aux échanges d'informations qu'il peut y avoir entre les individus. Et ça, ça ouvre le domaine de la propagation des rumeurs et des fake news en particulier. Bien sûr. Alors, quitte à casser les rêves de notre ami Souchon, la foule n'est pas toujours sentimentale. La preuve, à Orléans, elle a entretenu une rumeur. Selon vous, est-ce qu'on peut parler, concernant Orléans, d'un cas d'école? Ah oui, oui, on peut parler tout à fait d'un cas d'école. Et puis, il y a aussi cet aspect un petit peu historique, parce que dans les années 70, les méthodes étaient complètement différentes. Vous avez Edgar Morin qui a dû se rendre sur place avec son équipe de sociologues pour interroger les Orléanais les uns après les autres, avec un micro-trottoir vraiment. Et ça, ça fait un petit peu rêver les chercheurs d'aujourd'hui, de manière un peu mélancolique, parce que c'est plus du tout comme ça que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on va étudier les rumeurs assis devant notre ordinateur, sur les réseaux sociaux, avec un programme informatique qui va les détecter automatiquement. Donc c'est vraiment, ça a cet aspect aussi un peu historique qui est charmant. En tout cas, par définition, il est très difficile de retrouver l'origine d'une rumeur, puisqu'elle tient justement à l'absence de source. Dans le cas d'Orléans, tous les éléments indiquent qu'elle est née dans les lycées de jeunes filles. Les jeunes sont-ils un bon public pour les rumeurs? La réponse est un peu dans la question, puisqu'évidemment, quand on est jeune, on rêve et on n'a pas forcément la maturité intellectuelle suffisante pour se protéger justement des rumeurs et des fake news et compagnie. En réalité, le meilleur public pour les rumeurs, ce sont d'une manière générale les individus qui sont moins enclins à croire ce que disent les médias, par exemple. Ça peut être le cas des adolescents qui vont juste tout simplement moins lire les médias ou moins regarder l'actualité. Ça peut être aussi le cas pour les communautés de gens qui ont, disons, une dent contre les médias traditionnels, qui ont une certaine idée du complot, qui pensent que les médias peuvent mentir, peuvent être de mèche avec des criminels, par exemple. Et ça va alimenter le fait qu'ils vont partager et relayer des informations qui sont contredites dans les médias. Dans le cas de la rumeur d'Orléans, la police a enquêté, mais il n'y avait aucune disparition, aucun élément, et certains vont parler d'une police achetée par les Juifs, comme pour la presse, on l'a dit, évidemment. La théorie du complot est-elle fille de la rumeur ? Elles vont très souvent ensemble, et c'est justement le moment où les médias vont, les reporters et les policiers, enfin, vont clairement se pencher sur le cas et dire non, mais en fait cette rumeur est absurde parce que on a les faits, on sait qu'il ne s'est rien passé, on sait que la rumeur est fausse, que certains individus vont être amenés à remettre en cause ce qu'ont dit les médias. Et ça, c'est dans cette idée de complotisme qui est quelque chose qui va faciliter la propagation de la rumeur. Ouais. Rumeur, fake news sont synonymes. Alors pas exactement, non. Une rumeur, c'est plus général. Une rumeur, ça va être techniquement une information qui circule de bouche à oreille. Elle n'est pas nécessairement fausse d'ailleurs. Une rumeur, ça peut être vrai, ça peut être une vraie information qui circule de bouche à oreille, ou elle peut être fausse. Par contre, la rumeur a ceci de particulier qu'on dit qu'elle est endogène, c'est-à-dire que c'est la foule qui va la créer, qui va la formater d'une certaine manière. Alors que la fake news, c'est quelque chose qui est exogène, à savoir qu'il y a un responsable, il y a quelqu'un derrière qui a délibérément introduit une fausse information à des fins lucratives ou de manipulation politique. Alors, en 82, dans l'émission Parenthèse sur France Inter, Edgar Morin explique qu'il faut un certain contexte pour qu'une rumeur se diffuse, qui est d'ailleurs très complémentaire de ce que vous venez de dire. Eh bien, on va l'écouter, Edgar Morin. C'était la conjonction entre le thème du juif qui sortait des profondeurs inconscientes, quasi médiévales, et de cet enlèvement de jeunes filles. Et alors donc, on a essayé de faire une analyse de cette rumeur, en interrogeant, disons, cette sorte d'inconscient collectif dans ces villes nouvelles qui sont des villes, que je disais, dépolicisées. C'est-à-dire, ce ne sont plus des villes qui ont des centres bien organisés, ce sont des villes qui sont des agglomérations. Mais c'est tout le problème de la rumeur, et cette rumeur, on pourrait l'inventer pour d'autres choses. Mais on faut peut que la ça laisser marche. Traîner, oui, une rumeur. Oui, oui. Mais vous savez, ce qu'on a on pu peut aussi dire n'importe voir par quoi, et c'est reçu. Pas nécessairement. Il faut, vous savez, que c'est comme les métaux bons conducteurs, il faut que la rumeur soit bonne. Il faut qu'elle flatte une angoisse ou un désir de quelqu'un. N'importe quelle rumeur ne peut pas fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après le livre, on a vu que de telles rumeurs avaient existé dans de nombreuses autres villes de France, et même à Paris, autour d'un certain nombre de magasins. Seulement, ces rumeurs ne s'enflaient jamais assez pour qu'elles franchissent le mur de la presse et le mur des médias. Ah, ça c'est important, cette frontière de la presse. Ça renvoie à ce que vous disiez aussi tout à l'heure. C'est tout à fait ça, et j'aime bien la phrase « il faut que la rumeur flatte une angoisse ou un désir ». Et c'est exactement ça, ce que Edgar Morin ne pouvait pas voir à l'époque, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple. Et c'est très flagrant, à savoir qu'une information va se propager suivant ce qu'on appelle des chemins préférentiels. Donc, il suffit pas de donner une information à quelqu'un pour qu'immédiatement elle se propage de bouche à oreille. Il faut que la personne adhère un petit peu à cette information. Il faut qu'elle soit un petit peu d'accord. Et on voit bien que, par exemple, les informations, les fausses informations et les rumeurs qui concernent, disons, la dangerosité des vaccins va circuler principalement au sein des communautés anti-vaccins. On voit bien que les rumeurs ou les informations qui parlent, disons, de violences policières vont se propager principalement au sein des communautés de manifestants. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un certain terreau. Et quand on a une visibilité d'ensemble sur un réseau social, eh bien, on voit bien qu'une information ne se propage pas, de manière homogène dans toutes les directions, mais va emprunter certains chemins préférentiels. Là, le chemin préférentiel, si j'ose dire, c'est l'antisémitisme. Hein. À Orléans, on sent bien le complot, puisque les magasins qui sont désignés comme étant équipés de trappes pour faire disparaître de jeunes fils, les magasins sont tenus par des juifs. L'antisémitisme est en soi une catégorie de à la fois de rumeurs, fake news et complot. C'est les trois à la fois. Et phénomène de foule également, parfois. Ouais, ce que je trouve intéressant avec la rumeur d'Orléans, c'est que, en fait, au début, elle n'est pas empreinte d'antisémitisme. Au début, des disparitions de jeunes femmes, et c'est précisément l'angoisse ou le désir qui est celui des jeunes adolescentes dans les lycées, et donc c'est bien là que la rumeur va naître et va se propager. Mais les adolescentes, finalement, elles n'ont pas grand-chose d'antisémite à ce moment-là. Et c'est au moment où la rumeur quitte la cour de récréation, pour ainsi dire, que soudainement il va y avoir de l'antisémitisme. Et là, on voit bien que c'est une nouvelle communauté d'individus qui ne sont pas les adolescentes, mais qui sont plutôt leurs parents, qui vont avoir tendance à relayer l'information et à la déformer d'une certaine manière qui est représentative de ce que pensent les gens à ce moment, à savoir un peu d'antisémitisme. À Orléans, pendant cette affaire, un mécanisme se met en place que vous appelez le mécanisme des biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est ? Alors, biais cognitif, c'est un terme très générique qui désigne certains raccourcis cognitifs que nous avons de manière totalement inconsciente et qui font qu'on va prendre des décisions ou transformer une information sans même s'en rendre compte, ou plutôt sans mauvaises intentions vraiment. Et c'est le cas, par exemple, il y a un biais qui s'appelle le biais de confirmation. Et c'est quelque chose que notre cerveau fait à notre insu, à savoir que quand vous nous montrez deux informations contradictoires, s'il y en a une qui est en accord avec ce que je pense et une autre qui s'oppose à ce que je pense, eh bien, je vais plutôt tendance à retenir celle qui me plaît le plus. Et c'est aussi celle-là que je vais avoir tendance à répéter. Donc, si vous avez, par exemple, une communauté d'individus qui sont antisémites, puisque c'est le thème dont on parle, eh bien, toutes les informations qui sont empreintes d'antisémitisme vont avoir tendance à être retenues et à se propager plus facilement. Alors qu'au contraire, si vous diffusez dans cette même communauté un démenti en disant non, c'est faux, eh bien ce démenti va avoir tendance à disparaître, à s'évaporer de manière assez naturelle, tout simplement parce que il est en contradiction avec ce que pensent les individus. Et vous avez réalisé une expérience avec un groupe de 10 personnes où vous faisiez circuler une information concernant cette fois un perturbateur endocrinien. Racontez-nous. Voilà, donc on est exactement dans ce thème du biais cognitif. Donc cette fois-ci, dans nos méthodes, on étudie la propagation des informations sur les réseaux sociaux, mais pour avoir plus de contrôle, on aime bien aussi organiser des expériences. Et ça, c'était une expérience où on a créé une chaîne d'individus qui devaient se passer un message de bouche à oreille à la manière du jeu du téléphone, vous savez. Donc on a un premier individu qu'on va exposer à certaines informations, et puis on va lui donner l'instruction de les répéter à un second, qui va les répéter à un troisième, et puis nous, on regarde comment se déforme l'information à mesure qu'elle se propage à travers la chaîne. L'information en question, c'était quelque chose qui est un peu plus d'actualité, c'est porté sur le risque potentiel d'un perturbateur endocrinien, qui s'appelle le triclosan. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas dire si ce produit est dangereux ou non. On ne sait pas. Objectivement, on ne sait pas. Il y a des études qui montrent que peut-être que oui, d'autres peut-être que non. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé un message neutre qui montre les deux facettes de ce produit. Et c'est ce message qu'on a exposé au premier participant, qui devait le répéter au second, au troisième, etc. Et on se rend bien compte, déjà, avant de faire des conclusions plus importantes, on se rend bien compte que le message se déforme très rapidement dans la chaîne. Après seulement 3 intermédiaires, la moitié du contenu du message avait déjà disparu. Et les éléments qui restaient étaient fortement déformés. L'expérience, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'on avait plusieurs types de chaînes. On avait par exemple des groupes d'individus qui étaient qui s'opposaient à l'industrie pharmaceutique, par exemple, et d'autres qui n'avaient pas de préjugés. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que dans les chaînes de gens qui ont des préjugés contre ces produits pharmaceutiques, le message va se déformer et va s'amplifier, et le risque va être en apparence très dangereux au bout de la chaîne. Alors que dans les groupes qui n'ont pas de préjugés, le message va avoir plutôt tendance à sous-estimer les dangers de ce produit. Donc, on voit qu'en fait, la déformation du message n'est pas du tout aléatoire. Ouais. C'est pas juste des petites erreurs de transmission aléatoires. C'est quelque chose qui est vraiment dirigé dans une certaine direction. Mais vraiment, ce que je trouve bien, c'est que les individus eux-mêmes n'ont pas vraiment conscience de faire quelque chose de malhonnête en quelque sorte. Chacun va juste modifier un tout petit peu le message. Mais c'est à l'échelle du groupe qu'on va se retrouver avec quelque chose qui est fortement déformé. Alors, parlons maintenant d'un élément important, c'est le véhicule de la rumeur. Évidemment, si la rumeur trouve un véhicule, bah, elle va partout et ce véhicule, nouveau, enfin qui est plus maintenant nouveau maintenant, c'est Internet. Hein. Donc on va écouter un extrait d'un reportage diffusé sur France 3 où Pascal Froissart, universitaire spécialisé dans les rumeurs, évoque ce lien entre rumeur et toile. Désormais, tout ce qui est sur Internet, c'est gravé à jamais. Il n'y a pas de faculté, comment dire, d'oubli ou d'amnistie sur Internet. Donc on retrouve des vieilles rumeurs ou des vieux récits, des vieilles histoires, des vieilles blagues des années 2000 qui sont relues par des internautes des années 2009-2010 et qui vont être probablement copiées-collées assez facilement. Alors probablement dans un premier temps sous la forme du commentaire, du genre « Ah, regarde ce que j'ai trouvé sur Internet !» Et puis les précautions verbales peuvent disparaître au cours du temps et des reprises et puis faire ressurgir des rumeurs donc qui ont 10 ans d'âge. Donc avec Internet, la rumeur trouve un véhicule et elle peut être réactualisée, elle serait une sorte de virus en sommeil, finalement. Ouais, et Internet a aussi eu le bénéfice, pour le coup, de faciliter le travail des chercheurs, puisque c'est exactement là qu'on va chasser nos rumeurs et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on les étudie plus en profondeur et qu'on peut mieux les comprendre. Ce qu'on fait typiquement nous sur Internet, c'est que on va aller voir quand un utilisateur, disons sur un réseau social, publie une information, quelle qu'elle soit, on va regarder qui parmi ses amis vont la relayer et qui parmi les amis des amis et les amis des amis des amis et ainsi de suite. Et ça va nous donner un arbre de propagation et on va essayer de caractériser la structure de cet arbre. D'ailleurs, il y a une recherche super intéressante qui est sortie l'année dernière, qui montre que la façon dont une information se propage est révélatrice de la véracité de cette information. En d'autres termes, une vérité et un mensonge ne se propagent pas de la même manière sur les réseaux sociaux. Et ça permet, par exemple, de développer des produits, des algorithmes qui vont aller détecter la vérité du mensonge, qui vont aller distinguer la vérité du mensonge uniquement en regardant comment se propagent les informations. Donc Internet, c'est quelque chose qui a changé la façon dont les rumeurs se propagent, mais aussi la façon dont les chercheurs travaillent. Et donc, quel est le rôle de la presse, selon vous, dans cette thématique-là? C'est un rôle de cordon sanitaire, de rempart aux mensonges, à la rumeur, aux fake news? Ouais, c'est difficile à dire parce que effectivement il y a deux aspects. Il y a le premier, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que la presse reprenne ou en tout cas publie un démenti sur une information, bah ça va tout simplement avoir l'effet de diffuser l'information encore plus largement avec son démenti. Mais du coup, les personnes qui n'étaient pas informées, qui n'étaient pas au courant de la rumeur au préalable, vont avoir tendance à se dire ah tiens, il y a eu cette information qui a circulé et peut-être qu'elles vont avoir tendance à relayer la rumeur. Comme je vous le disais, il y a aussi des communautés d'individus assez importantes qui ne croient pas nécessairement à la presse, qui sont convaincus qu'il y aurait une forme de complot et que la presse serait de mèche avec quiconque veut leur faire du mal. Donc ça, il y a tout un aspect. Mais il y a aussi l'aspect positif, à savoir les organismes de fact-checking, par exemple, qui vérifient l'information régulièrement, comme le Décodex du journal Le Monde, même si il semble qu'il soit d'une utilité plutôt modérée en réalité. Alors, toute dernière question, et ouais. je la trouve dans une des phrases de la quatrième de couverture de votre livre. Il y a une question qui dit « Peut-on comparer les hommes à des bancs de poissons ?» Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, dans les bancs de poissons, on parle, là, en l'occurrence, secondes, on parlait hein. beaucoup de... c'est en 15 dire, secondes, oui. Allez, c'est parti. On parlait beaucoup de déplacement, donc le déplacement des foules s'apparente beaucoup au déplacement des poissons. Mais les poissons, ce sont les champions du monde de la propagation de la rumeur. Parce que eux, ils font entièrement confiance à leurs voisins, et à partir du moment qu'un voisin leur dit « Attention, il y a un prédateur qui arrive à droite », tous les voisins dévient vers la gauche, et les voisins des voisins, et ça entraîne tout le banc dans une certaine direction. Donc il y a de ça aussi. Merci infiniment, Mehdi Moussaïd, pour avec vos plaisir. Éclairages. L'éclairage. Attendez, je recommence. Pour vos éclairages. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la rumeur d'Orléans, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.